Chapitre 9e, la duègne. La comtesse de Liche était alors occupée à écrire un billet doux. Ce billet qu'elle allait ployer lorsque Suzanne et le capitaine entrèrent, sans que Concha parût faire d'abord grande attention à ce dernier, elle ne fit aucune difficulté de le montrer à la jeune fille. C'était une réponse à celui du chevalier. La comtesse acceptait l'offre de partager son balcon pour la procession ce jour-là même. « Vous voilà bien décontenancée après cette lecture, » dit-elle à Suzanne. « Mais vous m'avez laissé carte blanche pour amener à vos pieds Monsieur de Charny. Je ne répondrai pas que ce ne fut lui qui ait lancé tout à l'heure ce billet et ce caillou par la fenêtre. Invention française qui a pour but de briser les vitres et le cœur des pauvres femmes. Il n'a osé se montrer, le pauvre chevalier. Il a bien fait, car j'en aurais ri inhumainement. Un amant quitté par sa maîtresse est chose si divertissante pour une coquette, et je la suis réellement, poursuivit-elle. Pesez plutôt, Suzanne, chaque ligne de ma réponse au chevalier. Suzanne prit le billet et lut les paroles suivantes. Vous me parlez, monsieur le chevalier, d'une aventure singulière. J'aime à la folie les aventures et la singularité. Votre façon de casser les vitres est dangereuse, mais votre conversation demain à la procession ne le serait pas moins. Et cependant, je brave tout péril pour vous entendre raconter à vous-même cette aventure dont vous me parlez. Vous trouverez bon seulement que je me fasse accompagner de ma duègne et que nous portions toutes deux le masque. Votre balcon se trouve non seulement au grand soleil, mais le duc de Médina devant passer sous vos fenêtres en plein cortège et pouvant me reconnaître. Les bienséances que j'ai gardées me commandent le plus sévère incognito. La charge de premier menin du roi vient d'être donnée à Don Gaspard. Il ne peut quitter son père, et la procession finie, il part pour 2 jours à Fontarabie. Prenez donc patience jusqu'à l'heure de midi. Ayez un parasol et des sorbets, j'y consens. Mais surtout, préparez-vous à me raconter l'histoire promise de façon à me faire trouver court avec vous, à cette cérémonie pieuse, le temps que j'eusse peut-être trouvé trop long avec Dieu. Je vous souhaite bonne humeur et belle santé. Concha. Maintenant, Suzanne, ajouta la comtesse, mettez le cachet et donnez vous-même la lettre à l'un de mes gens. Il la portera à l'hôtel des armes du roi. » La jeune fille obéit ponctuellement, sans toutefois bien comprendre la stratégie de la comtesse. Elle redoutait, nous l'avons dit, cette belle rivale, et ne pouvait croire encore à sa générosité. Suzanne ignorait qu'il y a certains manèges qui amusent plus une femme que la passion elle-même. Il vaut mieux jouer avec le feu que s'y brûler. Les yeux de Concha pétillaient alors de malice. Il semblait qu'elle se fît un véritable plaisir de la comédie qu'elle allait jouer. Les grandes dames qui s'ennuient ont souvent des joies de petites filles. La comtesse montra à Suzanne une robe et une mantille de soie noire. « À nos rôles maintenant, » dit-elle. « Voici le vôtre pour aujourd'hui. Sous ces habits respectables, vous ressemblerez, ma chère, à Donna Veneranda, ma duègne, qui a été prise hier fort à propos d'un horrible mal de tête et garde la chambre en usant ses lèvres à baiser une médaille de Saint-Antoine. » Le masque est de mode en Espagne, comme chez vous. Voyez si celui-ci vous convient. » Et courant à un petit cabinet d'Allemagne posé sur sa table, la comtesse ouvrit un tiroir et montra à Suzanne des masques de velours de différentes grandeurs. La jolie Française en choisit un et ne tarda pas à rire elle-même de tout le mal que se donnait Concha pour la rendre laide. La comtesse lui mit en main un livre d'heures et une paire de lunettes. Elle exagéra les plis de son ample vertu gadin. Ainsi habillée, Suzanne avait l'air d'un dragon d'austérité et de vertu. Un immense chapelet flanqué de médailles lui pendait à la ceinture et faisait autant de bruit lorsqu'elle marchait que tous les grelots d'un coche. La comtesse demanda au capitaine Malagotti comment il trouvait son introductrice. « Aussi bien travestie que je puis l'être moi-même, » répondit le capitaine en se regardant avec complaisance dans les vêtements que venait de lui prêter si obligeamment la maîtresse du lieu. « Capitaine, » reprit Concha, « je vois avec plaisir le succès de votre évasion. Seulement, il faut bien vous garder de vous croire libre. Je vous condamne aux arrêts forcés dans cette maison. Oui, il est important que nul ne sache. Si quelqu'un de mes gens vous interrogeait, annoncez-vous hardiment comme Don Patricio de Gongora, mon parent. Il n'a jamais quitté Vélez Malaga où il demeure, et ce n'est pas lui qui viendra vous contredire. » « Je demande à ma parente la permission de déjeuner, » reprit Malagotti en baisant la main de la comtesse. « J'ai pris un bain qui a développé chez moi le plus furieux des appétits. » Et moi donc, reprit-elle, vous m'avez fait veiller une partie de la nuit car je vous avais pris pour un voleur. J'en avais la mine, reprit le capitaine. Mais, mademoiselle, continua-t-il en montrant Suzanne, vous rassurera bientôt sur mon compte. Tranquillisez-vous, je veille sur elle et sur vous, et vous n'aurez pas donné en vain l'hospitalité à un vieux reître comme moi. Je parle l'espagnol aussi bien que votre parent Don Patricio, et je ne ferai point honte à sa famille. Riez du chevalier tant que vous le voudrez, je vous le livre. Moi, je me réserve la tragédie avec monsieur de Charny. Seulement, si en rentrant ce soir vous ne me trouviez pas, vous ou mademoiselle Suzanne, je vous en conjure. N'allez pas être inquiète. J'ai à parler à un personnage que l'on ne trouve pas à toute heure et quelques mots tracés par moi et qui vous seront remis. Par pitié, capitaine, interrompit Suzanne, par pitié, ne nous abandonnez pas. Songez que le duc et le chevalier conservent toujours l'envie d'en venir aux mains. Rassurez-vous, ce n'est pas avec le duc que monsieur de Charny a maintenant affaire, c'est avec moi. Mais déjeunons d'abord, car la procession est à midi et c'est là que vous devez le rencontrer. Le déjeuner fini, et le capitaine lui avait fait grand honneur, la comtesse et Suzanne, toutes deux masquées, sortirent avec un seul nègre. Il portait le perroquet de Concha et un carreau de velours à ses armes. Arrivés au balcon que le chevalier leur gardait, et dont elles eurent bien vite reconnu la tenture galante, elles virent aussitôt Charny qui leur faisait signe, mais qui ne pouvait descendre à cause de la foule. Le cœur de Suzanne battit, elle fut sur le point de quitter la partie, et tirant Concha par sa robe, elle la pria de la laisser partir, mais la comtesse l'entraîna malgré son trouble. Le chevalier vint vers l'espagnol d'un air empressé, et lui baisant la main par-dessus son gant, il la pria de s'asseoir. « Quelle est cette énorme duègne ? » demanda Charny. « J'aime à voir que vous les choisissez comme les bastions de la citadelle de Pamplune. Je me perdrai vraiment dans les circonvallations et les redoutes que décrit sa robe. C'est ma duègne favorite, Donna Veneranda, une digne personne de Galice qui a été religieuse au couvent de Miraflores, » répondit Concha. « On dirait qu'elle a fait vœu de silence car elle ne parle qu'à Dieu et ne me sert jamais qu'avec des monosyllabes. « Laissons votre duègne, » dit le chevalier. « C'est un meuble comme un autre sur un balcon un jour de fête Dieu. Elle doit être laide comme le diable, et fait bien, ma foi, de cacher son cou et le bas de son menton avec sa guimpe. Celle de la marquise de Benavente, que j'ai connue à Madrid, avait un goâtre dont tous les Galiciens se moquaient. « Silence, » dit Concha en s'agenouillant sur son carreau. « Chevalier, voyez donc la procession. » Une centaine d'hommes habillés de blanc passaient en effet, dans ce moment-là, au beau milieu de la grande rue paroissiale, dansant avec des épées et des sonnettes aux jambes, chaque bout d'épée dans la main gauche d'un camarade. Ses glaives étaient pointés tout exprès pour cette cérémonie. Après eux dansaient 50 petits garçons avec des tambours de basque. Tous portaient des masques de papier et de parchemin. Venait ensuite cette figure des trois rois morts, chacun sa femme derrière lui, et tous précédant un immense Saint-Christophe, comme on en voit de peint dans les églises d'Espagne. La hauteur de ce groupe était de 2 pics, de sorte qu'on voyait des têtes aussi grosses qu'un demi-muide qui allait de pair avec les toits. Il semblait que 20 hommes n'eussent pu suffire à porter la moins lourde de ces statues d'osier, et cependant 2 ou 3 basques, cachés sous leurs toiles peintes, les faisaient danser. Suivaient 10 ou 12 machines remplies de marionnettes, entre lesquels un dragon ayant la grosseur d'une baleine et sur le dos duquel sautaient 2 hommes avec des contorsions de possédés. Tous les porteurs de ces diverses machines chantaient des cantiques. L'évêque de Pamplune parut bientôt avec le Saint-Sacrement, dont 4 seigneurs en manteau noir tenaient le dais en marchant devant le roi Philippe IV. Le chevalier avait déjà eu l'honneur à Madrid d'approcher ce prince. Son visage était maigre et maladif, il avait fort peu de cheveux, mais on pouvait remarquer qu'il avait été admirablement fait dans sa jeunesse. Don Luis de Haro, qui épousait l'infante pour le roi de France, était près de lui à droite et à gauche marchait le duc de Médina avec son fils, suivi d'une infinité de grandes la cour. Les yeux de l'infortuné Don Gaspar semblaient chercher partout la comtesse en cette foule qui garnissait les échafaudages. Mais comme beaucoup de dames étaient masquées, et que la comtesse avait pris soin de changer elle-même la couleur habituelle de ses vêtements, le jaloux espagnol ne put la reconnaître. « Eh bien, chevalier, que dites-vous de cette pompe ? Nous voilà à peu près libres, maintenant que la multitude s'écoule, » dit Concha à Charny, quand le cortège se fut éloigné. Asseyons-nous devant cette table de liqueurs glacées, que je vous remercie d'avoir fait ainsi préparer pour moi, mais dont vous me permettrez de ne pas user, attendu que je préfère votre histoire. Vous me la devez, vous savez nos conventions. C'est une histoire bien simple, repartit le chevalier, tout en se mordant les lèvres avec dépit. J'avais amené à ma suite une petite fille folle de moi et qui avait voulu se déguiser en homme pour me suivre, et voilà que sur votre seule apparition, elle a conçu de la jalousie. Oh, mais une jalousie telle qu'elle s'est enfuie, figurez-vous, en m'annonçant qu'elle allait se mettre au couvent. Voilà ce dont vous êtes cause, parole d'honneur, ma belle comtesse. Je ne vous aurais point parlé de cette misérable histoire si, dans le premier moment de mon dépit, je n'avais commis une extravagance. Je me suis jeté aux pieds de l'évêque de Pampelune en lui demandant un ordre pour empêcher ma fugitive de prendre le voile. « Et vous n'en avez pas de nouvelles ?»« Aucune depuis hier, » répondit Charny négligemment. Mon hôte se proposait de mettre à sa piste certains basques dont il m'a vanté l'agilité et l'adresse. Mais elle a trop bien servi mes intérêts en me quittant. J'y renonce et viens vous offrir mon cœur. « Ce pauvre chevalier, » dit la comtesse en riant, « le voilà disponible. Il y a de quoi l'abîmer de réputation. Ah ça, la petite était belle, avouez-le. » « Moins que vous, comtesse. Mais en France, il ne faut pas être difficile. Cependant, vous allez vous jeter aux pieds de l'évêque de Pampelune. Voyons, chevalier, de la franchise, elle vous tient encore au cœur. » « Je ne le cache pas, » répondit monsieur de Charny. « Sa fuite m'avait mis d'abord hors de moi. C'était une Française, une compatriote, un enfant. Mais elle l'a voulu, elle rompt ma chaîne. J'en prends une autre. » « Y songez-vous, chevalier, mais moi je ne suis pas libre. » « Libre désormais, ma belle comtesse, car cette fois ce n'est pas un amant que je vous propose. Vous avez trop de vertu, » continua Charny, en cherchant à cacher l'ironie de son sourire. « C'est un mari. Oui, je suis fixé, je vous épouse. Dussé-je me faire tuer par votre duc de Médina ?» Il avait prononcé cet aveu de façon à convaincre toute autre femme que la comtesse. Mais il avait affaire à forte partie. Celle-ci demanda son perroquet à son nègre, lui présenta une cerise confite et répondit en riant. « Vous vous consolez vite, chevalier. Je vous remercie de votre offre. Il est impossible d'être plus sincère. Par malheur, on m'a déjà dit à Madrid que vous aviez fait souvent en France la même promesse à bien des femmes. « C'est une calomnie !» s'écria le chevalier avec feu. « Mon cher chevalier, ne vous défendez pas. Vous aimez à séduire et vous faites un jeu de ces assauts dans lesquels, vous autres Français, vous déployez une tactique admirable. Qui me dit que vous n'avez pas formé le dessein de me tromper, moi qui ai promis au duc d'accepter ses offres ? Mais ce duc, madame, n'a pas d'autre emploi à l'île de la Conférence que celui de vous persécuter. C'est ce qui vous trompe. Il vient d'être nommé à un meilleur emploi près de Sa Majesté catholique et me persécute si peu qu'il me laisse dès ce soir liberté entière. J'accepterai bien votre bras pour aller demain soir au bal que la marquise de Haro se propose de donner à quelques seigneurs français et espagnols comme prémisse de la paix qui va se conclure. Mais votre douleur, votre tristesse, aujourd'hui même, regardez-vous dans cette glace, vous êtes d'une pâleur. Je ne le nie pas, reprit le chevalier en rendant à Concha le miroir de poche dans lequel elle venait de lui faire voir sa figure, en échangeant avec sa duègne un signe d'intelligence que n'aperçut pas Charny. « Mais peut-on causer avec vous sans que le cœur ne batte et que tout le sang ne s'y retire ? Croyez-moi, madame, on est bien près de mourir en ces moments-là. »« Dieu veuille qu'il n'en soit rien, chevalier. Je priverai la cour de France d'un de ses plus beaux ornements. Mais je suis bizarre, mon cœur est difficile à convaincre. J'aurais peur que vous ne m'échappiez un beau jour comme celle que vous regrettez, et je n'aurais pas, comme vous, la ressource de m'adresser à l'évêque de Pampelune. » Le chevalier frappa de sa main le balcon de fer où il était. Il se passait en lui un combat réel. Il ne voyait pas sans dépit le ton de raillerie affecté par la comtesse. « Vous avez là, monsieur de Charny, une bague curieuse. Montrez-la-moi. » Charny ôta sa bague et la présenta à la comtesse. En ce moment, la duègne fit quelques pas vers Concha. « Dona Veneranda, » reprit la comtesse. « Vous voulez me prévenir sans doute que c'est l'heure où je dois recevoir ce moine de Valladolid qui m'apporte des reliques et des chapelets de Jérusalem. Chevalier, voici votre bague. Je ne vous demande pas d'où elle peut venir, mais elle ressemble par sa forme à un anneau d'alliance. Je respecte trop vos secrets pour vouloir en savoir plus. » Me permettrez-vous de vous accompagner jusqu'à votre porte ? Les espions du duc pourraient le prévenir, et je tremble déjà qu'il ne vous ait aperçu à la procession. Donc, reprit Charny, en baissant le ton pour que la duègne n'entendît pas, pour demain, au bal de la marquise de Harrow, serais-je indiscret en m'y faisant inviter ? Nullement, chevalier. Seulement vous auriez peine à m'y reconnaître si nous ne convenions à l'avance d'un signe de ralliement. Pourquoi cela ? Demanda Charny, étonné. Pourquoi, mon cher Mourant ? Parce que le bal sera masqué. Oui, c'est une idée de la marquise de Harrow. On dit, mais je ne voudrais pas que vous en tiriez quelque fâcheuse induction contre la vertu de la marquise, qu'elle doit y recevoir certains Français qui se mêlent, malgré les conventions pacifiques entre les deux royaumes, de faire à ses yeux une rude guerre. Vous le connaissez, c'est le duc de Créqui. À merveille. Et à quel indice pourrais-je distinguer ? À cette rose noire posée sur mon costume qui sera blanc. Vous pouvez être sûr que je vais compter les heures jusqu'à celle où j'apercevrai le ruban noir. Mais avant de partir, vous et votre duègne, n'ôterez-vous donc pas ce masque qui vous pèse ? Il fait aujourd'hui une chaleur. J'y consens volontiers pour moi, murmura gaiement Concha à l'oreille du chevalier. Mais pour ma duègne, c'est autre chose. Au reste, ajouta-t-elle avec un coup d'œil malin lancé à Charny, vous ne perdez guère à ne point voir sa figure. 60 printemps, ajouta la comtesse en baissant la voix, rien que cela. Elle dénoua son masque et montra au chevalier sa figure vive et rieuse. Ses dents blanches semblaient éclairer sa jolie bouche. Son corps souple et fin imprimait des frémissements délicieux à sa basquine. Elle demanda à Charny l'une des grenades fleuries de son balcon, et jetant l'œillet qu'elle avait placé au coin de son oreille sous son large voile noir, elle y attacha la grenade. Charny la regardait faire avec des battements de cœur qu'il avait à peine sentis jusqu'alors. En ce moment-là, il avait oublié Suzanne. Lorsque la comtesse s'éloigna avec sa duègne, le chevalier ramassa l'œillet jeté par elle et, prêt à voir Concha franchir le seuil des armes du roi, il imprima cette fleur le plus ardent des baisers. En prenant le bras de Suzanne sous le porche même de l'hôtel, la comtesse aperçut qu'elle pleurait. La pauvre petite étouffait presque sous le masque. Heureusement, des porteurs passaient alors avec une chaise vide et les deux femmes y montèrent.